Réponse à l'ambiguïté qui repose sur la parole de ceux qui disent que At-Tawhid Arboubiya est une croyance et acceptation, et les candidats et électeurs croient que seul Allah est le créateur et que seul Allah est le législateur. Alors pourquoi les considérez-vous comme associateurs? La réponse à cela se fait de plusieurs façons. Premièrement, nul doute que la base du Tawhid Arboubiya est croyance et acceptation. Allah nous a ordonné de croire en lui et de croire en ses actes de Arboubiya et de l'unifier avec. Et de croire aussi que nul n'est créateur, pourvoyeur, législateur, excepté lui. Et ceci est connu chez tout le monde. Cependant, la présence de tout ceci chez l'individu ne suffit pas dans le cas où il voue quelque chose qui ne doit être voué qu'à Allah. Il devient alors associateur dans ses actes. Les savants de l'islam, qu'Allah leur fasse miséricorde, l'ont bien défini, tel que l'imam Shawkani, qui a dit « L'association ne se limite pas à donner certains noms à certaines choses, mais elle est de vouer à autre qu'Allah ce qui ne doit être voué qu'à lui. » Après cela, peu importe qu'on le nomme comme les mécréants l'ont nommé ou qu'on lui donne un nom différent, car l'important n'est pas la nomination. Médite sur ces paroles, mais elle est de vouer à autre qu'Allah ce qui ne doit être voué qu'à lui. Et nous avons cité auparavant la parole de Abdullah ibn Abdurrahman Ababatin rahmahullah. Si la personne est musulmane, appliquant les piliers, mais disant une parole, faisant un acte ou portant une croyance contredisant son témoignage, alors celle-ci ne tire pas profit de sa parole. Deuxièmement, nous avons cité à plusieurs reprises et nous avons rapporté de nombreuses paroles de savants et même le consensus concernant le fait que At-Tawhid doit être basé sur le cœur, la parole et les actes. Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit dans son recueil Kashf al-Shubuhat, il n'y a aucune divergence sur le fait que At-Tawhid se pratique par le cœur, la parole et les actes. Et si l'une de ces trois choses faisait défaut, la personne ne pourrait être musulmane. Après avoir pris connaissance de cela, il faut savoir que ceci n'est pas spécifique au Tawhid al-Uluhiyya. Toutefois, nous pouvons dire qu'il existe aussi dans Tawhid Arboubiya, car l'association dans Arboubiya est plus grave que l'association dans l'Uluhiyya. L'association dans Arboubiya se divise en trois. 1. L'association de Arboubiya par rapport à la croyance. L'individu croit par le cœur qu'il peut y avoir quelqu'un ayant le droit de légiférer en dehors d'Allah. 2. Association de Arboubiya par rapport aux paroles. L'individu affirme par la parole qu'Allah n'est pas le seul qui ait le droit de légiférer. 3. Association de Rububiyya par rapport aux actes. L'individu agit envers quelqu'un de telle sorte à lui donner le droit à la législation absolue. Comme l'imam Shawkani a dit, mais elle est de vouer à autre qu'Allah ce qui ne doit être voué qu'à lui. Nous demandons à ceux qui ont voté pour ces candidats et les ont mis au pouvoir législatif, si cet acte n'est pas de l'association dans Arboubiya, quelle est alors pour vous l'association dans Arboubiya? Et finalement, il devient clair après tout ce que nous avons rapporté que la participation dans les assemblées législatives est de la grande association. Et celui qui présente sa candidature à ces assemblées et prend le poste de législateur ne peut être qu'associateur. Plus que cela, il devient tarout car il s'est attribué une particularité du Seigneur par rapport à ses actes. Il en est de même pour celui qui vote pour lui car il lui a donné ce statut et se retrouve aussi dans l'association. Et peu importe qu'il agit ainsi avec une bonne ou une mauvaise intention. Mais ce que nous disons et que nous essayons d'expliquer ici est ce sur quoi beaucoup de personnes se trompent lorsqu'ils disent que toutes les personnes participant à ces assemblées ne sont pas des mécréants au cas par cas et que leur statut de mécréant ne peut être fondé car leur interprétation complètement erronée est d'être sous contrainte et que leur non-participation à ces assemblées entraînerait une vaste participation des mécréants dont le but est de faire du mal. Nous avons démontré dans le deuxième recueil que l'interprétation ne peut être excusée par la mauvaise interprétation. Et s'ils disent être sous contrainte et que cette contrainte est leurs excuses, alors sache que nous avons déjà expliqué le sujet de la contrainte, sa définition et à quel moment celle-ci peut être une excuse. En ce qui concerne le sujet de la contrainte, nous rétorquons à celui qui hésite de qualifier ses législateurs de mécréants. Tu dois choisir entre deux choses. La première, c'est-à-dire que ces législateurs sont vraiment sous contrainte, alors ils ont le droit de participer à ces assemblées, donc leur argumentation est acceptable. La deuxième, c'est reconnaître qu'ils ne sont pas sous contrainte, donc qu'ils n'ont pas d'excuses, et par conséquent, tu dois les juger mécréants. Et si tu dis qu'ils ont des ambiguïtés, qui sont des preuves pour eux, des preuves leur permettant de participer à ces assemblées, alors nous ne pouvons pas les juger tels que mécréants. La réponse à cela est... Il a déjà été expliqué dans le deuxième recueil qu'il est possible qu'une personne sorte de l'islam sans avoir l'intention de devenir mécréante, et généralement la mécréance est due aux ambiguïtés. D'autre part, nous devons attirer l'attention sur une erreur répétée par beaucoup de gens. Ils disent que celui qui interdit la participation au parlement a raison et Allah lui doublera sa récompense, alors que celui qui dit le contraire, son erreur est pardonnée, car les deux ont fait un effort personnel sur ce sujet et aucun des deux ne peut être blâmé. En réponse à cela, nous devons dire que ce raisonnement est complètement erroné. Le grand savant Abdullah ibn Abdelrahman Babatin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: on a déjà cité que le Sheikh Taqiddin ibn Taymiyyah a dit: on peut espérer le pardon pour celui qui fait certaines innovations par effort personnel ou ignorance. Cependant, le Sheikh Taqiddin n'a pas évoqué celui qui fait de l'association ou de la mécréance apparente. Il a répondu à Babatin à certaines personnes qui l'ont contredit à ce sujet en disant: tu as dit que Sheikh Taqiddin ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim ont déclaré que celui qui fait ces choses mécréantes ne peuvent être jugés comme mécréant associateur qu'après que la preuve islamique lui soit présentée par le biais d'un gouverneur ou d'un représentant de sa part et qu'il la rejette. Tu leur as attribué aussi les paroles qui affirment que l'acte de cette personne est de la mécréance, mais qu'il est possible qu'elle soit excusée du fait qu'elle soit due à un effort personnel ou à l'imitation de quelqu'un d'autre, alors que les deux savants cités n'ont rien mentionné concernant ceci. Je pense que tu as tiré ce raisonnement après que tu as lu un document écrit par Daoud, dans lequel il a cité une parole proche de celle que tu as avancée. Daoud prétend avoir trouvé cela dans le livre Sirat al-Mustaqim de Sheikh Taqiddin, et lorsqu'il est venu à Unaïza pour la deuxième fois, il propageait ce document qui apporta confusion chez certains. Et il disait même, dans le cas où l'on reconnaît ce qui se passe près de ces tombeaux, invocation des morts et autres, les auteurs ne peuvent pas être jugés mécréants, car Ibn Taymiyyah a dit à ce sujet que celui qui fournit un effort personnel de compréhension, ijtihad, ainsi que celui qui a une mauvaise interprétation ou qui imite quelqu'un d'autre, ceux-ci sont excusés et pardonnés. Lorsqu'on me fit part de ces paroles, je lui ai demandé de venir me voir. Je lui ai expliqué qu'il avait mal compris les paroles d'Ibn Taymiyyah et qu'il les avait placées hors contexte. Ibn Taymiyyah parlait de certaines innovations qui ne sont pas de l'association, telles que invoquer Allah devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certaines innovations dans l'adoration d'Allah. Ibn Taymiyyah rahmahullah a dit concernant ces innovations: l'individu peut faire des actes qu'il pense être de bonnes actions. Cependant, il est possible qu'il soit pardonné et même récompensé pour sa bonne intention ou son ignorance, et ceci est un vaste sujet. Il explique, Ibn Taymiyyah, que la quasi-totalité des innovations dans les actes d'adoration peuvent être bénéfiques à son auteur, sans que ceci soit pour autant légitime, et que l'individu, même savant, pourrait mélanger de bonnes actions avec de mauvaises, dues à une mauvaise interprétation, un effort personnel de compréhension ou un suivi d'autrui. Même dans ce cas, il peut être excusé, sauf lorsqu'il s'agit de l'association. Il a aussi dit, à Babatin, les savants d'école islamique de jurisprudence ont cité de nombreux actes, paroles et croyances rendant la personne mécréante, et ce même si cette personne n'avait guère l'intention de devenir mécréante. Et quiconque prétend que celui qui mécroit par mauvaise interprétation, effort personnel de compréhension, erreur ou suivi est excusé, va sans doute à l'encontre du Coran et de la Sunna, ainsi que du consensus. Et il se contredira certainement. Et dans le cas où ce raisonnement devient une règle à suivre, il tombera sûrement dans la mécréance, comme il serait le cas, par exemple, d'hésiter à considérer mécréant du fait de cette règle, celui qui doute du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdelrahman ibn Hassan al-Sheikh rahimahullah a dit: les savants ont pris le chemin de la droiture. Ils ont cité le chapitre « Jugement de l'apostat » et aucun d'entre eux n'a jamais dit que celui qui prononce des paroles de mécréance ou commet un acte de mécréance n'est pas mécréant, car il ignore que ceci contredit les deux attestations de foi. Qadir Iyad rahimahullah a dit: Aïdallah Ibn Hassan al-Hanbari a dit que les bases de l'islam peuvent subir un effort personnel de compréhension. Il a divergé avec les autres groupes islamiques, car pour eux la vérité dans les bases de l'islam est unique, et celui qui se trompe à son égard est pécheur, désobéissant, pervers. Quant à sa mécréance, il y a divergence. Ceci est un consensus sur celui qui fait une erreur dans les bases de la religion. Il est pécheur, pervers, désobéissant. Quant à sa mécréance, il y a divergence. Ce que le Qadi Iyad voulait dire concernant les bases de la religion, c'est-à-dire les bases de la croyance des Ahl Sunna, telles qu'Allah pourrait être vu le jour du jugement, et que le Coran est sa parole, etc. En ce qui concerne sa parole, Quant à sa mécréance, il y a divergence. Cela concerne les sujets qui peuvent subir une interprétation, tels que certains attributs d'Allah et autres. Cependant, pour la mécréance claire et apparente, telle que l'association dans l'adoration et la moquerie d'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de divergence entre les savants de Ahl Sunnah quant au statut de mécréant pour quiconque l'a commis. Et il nous apparaît ici que se trompe celui qui prétend que l'erreur dans l'effort personnel de compréhension pourrait mériter une récompense ou un pardon, contrairement à la contrainte, sur laquelle il a déjà été dit qu'elle peut servir d'excuse dans ce domaine. Allah seul est savant. Et finalement, nous espérons avoir bien expliqué ce sujet avec tout ce qui a été cité dans ce résumé clair, Inch'Allah, appuyé par des preuves, les paroles des savants de l'islam ainsi que nos réponses aux ambiguïtés. Nous implorons Allah, par ses plus beaux noms et ses attributs glorieux, qu'il nous préserve des turpitudes apparentes et cachées, et qu'il nous guide, et ainsi que eux, vers la vérité et le juste, et qu'il nous pourvoie la perfection dans la croyance, les actes et les paroles, et qu'il nous protège de la mécréance et du dérapage, car il en est capable. Conclusion. Abdallah Latif, Ibn Abd al-Rahman, rahimahullah, a dit: la haine envers ces polythéistes, leur critique, leur tekfir, leur désaveu, est le fondement de l'islam et le plus grand moyen pour accéder au Seigneur des mondes. En outre, la vie d'un musulman n'aura de plaisir qu'avec le djihad contre eux, l'opposition et le tekfir des mêmes, et l'approche vers Allah avec cela en y espérant la récompense chez lui. Ce magnifique degré est ce que vous avez rejeté et avec lequel vous avez rendu licite l'honneur des musulmans et les avez accusés de choses graves. Mais nous irons tous devant Allah, devant lui seront dévoilés les secrets et deviendront claires les choses cachées dans les esprits, et on saura qui s'opposait à son parti et ses protégés, et qui était ami avec ses ennemis et ceux qui se battent contre lui. On saura lequel des deux partis était aimé par Allah. L'homme sera avec ceux qu'il aime, qu'il le veuille ou non. Les responsables du shirk sur la terre sont des opposants de ce genre, ceux qui viennent aux gens avec les habits de savants ou de bons croyants, alors qu'ils sont les plus éloignés de toutes les créatures d'Allah, de ceux avec quoi sont venus les messagers, c'est-à-dire du tawhid, de la connaissance d'Allah et de l'appel sur son chemin. Au contraire, ils sont l'armée qui protège les tombes et leurs adorateurs. Ils ont fait un pacte de paix et de fraternité avec ceux qui font des actes d'adoration aux messagers et aux savants, et leur ont suggéré que le polythéisme, le shirk, n'aura pas d'incidence sur eux, car ils prononcent la shahada et se tournent vers la qibla, et que c'est eux les vrais musulmans et la meilleure communauté qui existe, et que c'est eux qui iront au paradis. Alors, ils ont été trompés par ces paroles, puis ont exagéré dans le shirk et leur égarement, jusqu'à attribuer à leur divinité la seigneurie, la législation et la demande de protection en dehors d'Allah, Seigneur des mondes. Source, Ad-Durar Saniya, numéro 12, page 344. Wa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.